cliquer, t'es là, t'es dedans. Pas d'accueil gentil si c'est brûlant. Chaque stream, c'est un front. Chaque view est un battement. Je me pose pas, je percute. Le chat s'enflamme dès que je dis une insulte. Mais moi je fais pas le show, je le construis avec mes mots. Les chiffres.